الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لقد اقترب موسم عظيم وشهر كريم فرصة طيبة لنتقرب من رب العالمين رب السماوات والأرضين في هذا الشهر يعمل من وفق من المسلمين عبادات عظيمة من أفضل الأعمال الحج الذي هو ركن الخامس من أركان الإسلام قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا رواه مسلم فالحج فرض عين على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل قادر ويشترط للمرأة وجود المحرم فالحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة يجب على المسلم أن يحج مرة واحدة في عمره لكن مع ذلك جاءت الأدلة الكثيرة تبين فضيلة هذه العبادة العظيمة وأنه يستحب تكرارها فمن فضائل الحج أنه من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري ومسلم فمن وفق للحج فقد وفق إلى عمل عظيم من أفضل الأعمال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى هذه العبادة العظيمة هذا العام الحج من أعظم أسباب غفران ذنوبها وما أكثرها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن العاص وأسلم بين يديه فجاء وبايعه وأسلم وقبل ذلك امتنع فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما لك فقال أردت أن أشترط فقال وماذا قال أن يغفر لي أن يغفر لي ما مضى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة يهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله، فمن حج رجع من حجه كيوم ولدته أمه. الحج من أسباب الرزق، فكم من الناس تركوا الحج خوفا من الفقر أو بخلا أو حبا لأموالهم الكثيرة. فمن رزقك هذا المال يا عبد الله وأنت يا أمة الله؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الرزاق ذو القوة المتين، هو رب العالمين. فلا تخاف الفقر. فمن حج كفاه الله سبحانه وتعالى في رزقه وفي أهله وفي أمواله. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فالحج من أسباب الرزق، فالحج من أسباب الرزق لا من أسباب الفقر. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تدع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفع بها درجة. فالحج من أسباب رفعة الدرجات، الحج سبب استجابة الدعاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه البزار. ومن مات في الحج له أجر عظيم، ومن مات في الحج له أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات فيه أي في الحج كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. أخرجه أبو يعلى. وفي الصحيحين: يبعث ملبيا الحاج يعمر الأرض، يعمر أرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالتوحيد، ويتبرأ من الشرك وأهله، يعلن ذلك بلسان المقال أو بلسان الحال. ثم نختم بحديث عظيم مختصرا ذكرته هنا مختصرا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه عن أجر أعمال الحج، فقال: إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تدع ناقتك خفا إلا كتب الله لك حسنة ومحى عنك خطيئة، أما ركعتاك بعد طواف كعتق رقبة ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، أما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة. الصفا والمروة كعتق 70 رقبة، أما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة ويقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، إلى آخر الحديث، فيغفر الله لهم. أما رميك بالجمار فلكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. لما ترمي الحجر لكل حجر أو بكل حجر يغفر الله لك كبيرة من كبائر الذنوب. فتذكر يا عبد الله في هذه الحياة الدنيا كم عصيت رب العالمين، إما بالكذب أو بغير ذلك من الكبائر. فإذا رميت الجمار فالله سبحانه وتعالى لكل حصى يغفر لك كبيرة من الموبقات، أي من المهلكات، من أعظم من كبائر الذنوب. أما حلاق الرأس فلكل شعرة حلقتها حسنات، إلى آخر الحديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى الحج. اللهم أعنا على الحج، اللهم وفقنا إلى الحج، اللهم أعنا على الحج، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من حج لله رب العالمين. Se rapproche de nous un mois béni, un mois durant lequel ceux à qui Allah a voulu le bien parmi les musulmans vont accomplir le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un pilier de l'islam, c'est le cinquième pilier de l'islam, Al-Hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela dans le Coran, nous disant, et c'est un devoir envers Allah pour tous les gens qui ont les moyens de faire le pèlerinage à la maison, c'est-à-dire à Mecca. Et quiconque ne croit pas, certes Allah se passe largement des mondes. Et quiconque ne croit pas, certes Allah se passe largement, largement des mondes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ô vous les gens, ô vous les gens, Allah vous a enjoint le pèlerinage, Allah vous a rendu obligatoire le pèlerinage, alors effectuez-le. Allah vous a ordonné le pèlerinage, alors effectuez-le. Et le consensus des savants, il y a le consensus des savants sur cela. C'est-à-dire que le pèlerinage est une obligation. Est-ce qu'un musulman qui aime Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, peut entendre ces textes et ne pas effectuer le pèlerinage malgré qu'il a les moyens? Est-ce qu'un musulman qui accomplit la prière, qui met son réveil pour venir à la mosquée pour prier le Fajr, il peut avoir les moyens, la santé, la capacité, puis volontairement délaisser le pèlerinage? Est-ce qu'un musulman qui construit plusieurs maisons dans son pays de base, qui a les moyens largement, peut se passer d'effectuer le pèlerinage? Wallahu al-musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril l'a questionné sur l'islam, il a répondu, l'islam est le fait de témoigner que nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée que Mohammed est son messager, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône légale, de jeûner le mois de Ramadan et d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, si tu en as les moyens. D'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, si tu en as les moyens. De cela, on comprend que le pèlerinage est une adoration immense, immense et énorme. Et plus encore, c'est le cinquième pilier de l'islam. C'est une des bases sur laquelle repose ta religion et Abdallah. Il nous faut donc tous accomplir le Hajj pour celui qui a les moyens. C'est une obligation pour toute personne, homme ou femme, ayant atteint la puberté, ayant la capacité financière, la santé, ayant les moyens donc et la capacité. À partir du moment où il a la raison, à partir du moment où il a atteint la puberté et qu'il a la capacité, c'est une obligation. C'est une obligation. Et cela est obligatoire une seule fois durant la vie de la personne. Mais de nombreux textes sont venus pour nous encourager à réitérer cet acte qui est immense et bien aimé du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Parmi les bienfaits du Hajj, le fait que ce soit une des meilleures adorations et des plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah fut questionné, quelle est la meilleure action? Il a répondu, le fait de croire en Allah et son messager. Ensuite, on lui a dit après cela au messager d'Allah. Il a répondu, le combat dans le sentier d'Allah. On lui a encore demandé après cela au messager d'Allah. Il a dit, un hajj parfaitement accompli. Donc le hajj fait partie des actions les plus aimées d'Allah et des meilleures adorations. On comprend de cela que celui à qui Allah a facilité une porte vers le pèlerinage, il a certes voulu son bien et lui a certes facilité une action immense. Parmi les bienfaits du hajj, c'est une grande cause pour qu'Allah te pardonne tes péchés. Et combien sont-ils nombreux nos péchés, mes chers frères? Voici une porte par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera nos péchés. Abu Huraira radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui accomplit le pèlerinage et ne dit pas de mauvaises paroles ou bien ne s'approche pas de son épouse et ne fait pas de perversion, reviendra de son pèlerinage comme au jour où sa mère l'a mise au monde. Comme le jour où il est né, c'est-à-dire qu'on lui pardonnera l'ensemble de ses péchés. Et Amr ibn al-As, lorsque la mort lui est venue, il était allongé. Il s'est mis à pleurer longuement. Il s'est mis à pleurer, ses larmes ont coulé longuement. Et c'est à ce moment qu'il a raconté l'histoire de sa conversion. Il a dit, lorsqu'Allah a fait rentrer l'islam dans mon cœur, je me suis dirigé vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis venu pour me convertir. Et je lui ai dit, ô messager d'Allah, je veux rentrer dans l'islam. Et j'ai tendu ma main pour lui prêter allégeance. Et c'est alors que j'ai retenu ma main, j'ai enlevé ma main. Il a retiré sa main. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné. Il lui a dit, qu'est-ce que cela, ô Abdullah? Qu'est-ce que cela, ô Abdullah? Il lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai envie d'émettre une condition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et quelle est cette condition? Il lui a dit, je conditionne que me soit effacé tout ce qui est passé dans ma vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô Abdullah, n'as-tu pas ce que l'islam efface tout ce qui est passé? L'islam efface, la personne qui entre dans l'islam, on lui pardonne tous ses péchés passés. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et celui qui accomplit le al-hijra, l'égir, celui qui émigre pour Allah, se verra l'ensemble de ses péchés passés. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est la raison pour laquelle on cite ce hadith, et celui qui accomplit le pèlerinage, se verra l'ensemble de ses péchés passés. Subhanallah. Si tu accomplis le pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala t'efface l'ensemble de tes péchés. Et tu es le seul à connaître ce que tu as fait depuis ta puberté. Combien de jours est-ce que tu as oublié Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'il t'a créé à partir de rien, alors qu'il t'a donné ta subsistance et il t'a guidé à cette religion? Combien de jours est-ce que tu as désobéi Allah subhanahu wa ta'ala et lui ne t'a jamais délaissé? Il t'a donné ta subsistance et lorsque tu étais malade, c'est lui qui te guérissait. Et pourtant tu lui as désobéi de jour comme de nuit. Et voici qu'aujourd'hui, Allah nous facilite une occasion énorme par laquelle on pourra se voir pardonner l'ensemble de ses péchés. Il nous faut ne pas délaisser cette occasion. Et qui sait, est-ce qu'elle reviendra l'année prochaine? Et qui sait, est-ce qu'on aura encore l'occasion l'année prochaine? Peut-être qu'on se tombera malade. Peut-être que l'ange de la mort viendra nous récupérer notre âme. Donc celui qui a la capacité d'accomplir le pèlerinage, qui ne manque pas à son obligation. Donc le hajj est une des plus grandes causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés. De nombreuses personnes pensent que le pèlerinage est une cause pour avoir un grand bienfait dans sa religion. Cela est une compréhension erronée du pèlerinage. Le pèlerinage est un bienfait sur toi dans ta religion et un bienfait pour toi dans ta dunya, dans les choses qui ont attrait à ton argent et à ce bas monde. Combien sont les personnes qui ont délaissé l'accomplissement du pèlerinage à la maison sacrée, car ils ont peur de la pauvreté, ou car ils ont de l'argent mais ils aiment cet argent là ils ne veulent pas le sortir pour Allah tabaraka wa ta'ala, alors que c'est Allah qui leur a donné cet argent là certains aiment plus leur argent que toute chose, mais ils le délaissent et le dépensent car ils ont aimé Allah plus que cette dunya et plus que tout ce qu'elle contient. Donc dépense de ton argent, ya Abdallah, et n'aie pas peur. Allah t'a donné ta subsistance alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère. Allah donne sa subsistance à toute chose. Et toi, tu es un abdun lillah, tu es un serviteur d'Allah, tu te prosternes pour Allah, et tu penses qu'Allah ne va pas te nourrir toi, et tes enfants et ton épouse après toi. Accomplis le pèlerinage, et Allah te donnera ta subsistance. Et c'est même une cause pour enlever la pauvreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, faites suivre la umrah du pèlerinage. Faites suivre le pèlerinage de la umrah. Tayyib, tu accomplis le petit pèlerinage et tu fais suivre cela du hajj. Tu fais le hajj et tu fais suivre cela de la umrah. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, car ces deux choses-là repoussent la pauvreté et effacent les péchés. Le fait d'accomplir le pèlerinage, c'est donc une cause pour avoir la richesse. Et c'est une cause pour se voir pardonner nos péchés. Celui qui a accompli le pèlerinage, Allah l'élève en degré, le comble de nombreuses récompenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque tu prends ta monture pour aller au pèlerinage, elle ne fait pas un pas et ne repose pas elle ne lève pas un pas, ni le repose, sans qu'Allah, par cela, t'écrit une bonne récompense, te pardonne un péché et t'élève en degré. Il y a combien de milliers de kilomètres entre cette ville et Mecca? Ben, chaque pas que tu vas faire, par cela, Allah va t'élever de un degré, te pardonner un péché et te donner une bonne récompense, subhanallah, jusqu'à ce que tu accomplisses le pèlerinage et que tu reviennes. Combien de milliers de kilomètres? Parmi les bienfaits du pèlerinage, c'est une cause pour que Allah accepte tes invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le pèlerin et celui qui effectue la umrah sont une délégation qui va vers Allah. Allah les a appelés et ils lui ont répondu. Allah les a appelés et ils lui ont répondu. Ils ont invoqué Allah et il leur a répondu. Lorsqu'Allah ordonna à Ibrahim alayhi salam d'appeler les gens à effectuer le pèlerinage, il a appelé. C'est la raison pour laquelle lorsque tu te diriges à Mecca et lorsque tu te mets en état d'ihram, tu dis ce qu'on appelle al-talbiya. Labayk Allahumma labayk. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Et tu répètes cela jusqu'à ce que tu voyes Mecca. Jusqu'à ce que tu voyes Mecca. Que veut dire cette parole-là? Cette parole est une parole remplie d'unicité d'Allah, remplie de biens, de bénédictions. Et cette parole-là commence par je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel. À quel appel? À l'appel d'Allah. À l'appel d'Allah, le pèlerin a répondu à l'appel de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une cause pour qu'on accepte tes invocations. Et celui qui meurt durant le pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonce la bonne nouvelle et lui dit qu'il sera écrit en tant que pèlerin jusqu'au jour de la résurrection. Celui qui meurt pendant le hajj sera écrit et aura la récompense du pèlerinage jusqu'au jour de la résurrection. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette personne-là sera ressuscitée en prononçant la talbiya. Il ne faut donc pas lui couvrir la tête, ni lui mettre de parfum, après l'avoir lavé et lorsqu'on prie sur lui. Voici d'énormes récompenses qui sont attribuées aux pèlerins. Et pour conclure, il y a un long hadith que j'ai cité ici en résumé, qui nous cite les récompenses de chaque étape du hajj. Deux personnes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ont voulu les questionner. Le prophète sallam leur a dit, un instant, si vous voulez vous me questionner, si vous voulez je vous informe sur la raison qui vous amène. Allah a informé le prophète sallam de la question de ces deux personnes là. Un d'eux a dit à son compagnon, pose-lui la question. Et l'autre a dit, non, informe-nous au messager d'Allah. Le prophète sallam leur a dit, vous êtes venus me questionner sur les récompenses qu'il y a lorsque vous sortez de chez vous, lorsque vous faites at-tawaf, lorsque vous faites les deux rak'a après at-tawaf, lorsque vous marchez entre Safa et Marwa, lorsque vous égorgez la bête et lorsque vous vous rasez les cheveux, et ainsi de suite. Ils ont dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité au messager d'Allah. C'est exactement les questions qu'on voulait te poser. Ça prouve que c'est le messager d'Allah haqqan et qu'Allah lui a donné la révélation. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, lorsque tu sors de chez toi avec ta monture et que tu te diriges vers la Mecque, il n'y a pas un pas que ta monture fasse sans qu'on te donne une récompense et qu'on te pardonne un péché. en ce qui concerne les deux raka'a que tu fais après le tawaf, c'est comme si tu avais affranchi un esclave. C'est comme si tu avais affranchi un esclave parmi les fils d'Ismaïl, alayhi salam. En ce qui concerne les pas que tu fais entre Safa et le Marwa, c'est comme si tu avais affranchi 70 esclaves, subhanallah. Lorsque tu marches entre Safa et le Marwa, et ça prend que quelques minutes, c'est comme si tu avais la récompense, c'est comme si tu avais affranchi 70 esclaves. 70 esclaves. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsque tu restes à Arafah, sache qu'Allah descend au ciel de ce bas monde, et il se vante de vous auprès des anges. Il dit, voici mes serviteurs, ils sont venus à moi tout ébouriffés. Voici mes serviteurs, et Allah se vante de vous. Ils sont venus de toutes contrées, de parts et d'autres, du monde entier. Et ils espèrent ma récompense. Ils espèrent ma récompense, même si leur péché était semblable au nombre du sable, au nombre des grains de sable qu'il y a sur la terre, au nombre des gouttes d'eau que porte la mer, ben je leur pardonnerai tous leurs péchés. Subhanallah. Ma awsa'a rahmat rabbil alamin wa ma akramahu min ilah. Si leurs péchés étaient nombreux au point qu'ils seraient équivalents au nombre de grains de sable qu'il y a sur la terre, au nombre de gouttes d'eau que peut contenir les mers, ben je leur pardonnerai tous leurs péchés. Subhanallah. Est-ce que tu entends ce hadith, ya Abdallah? Et ensuite tu ne vas pas au hajj? Ensuite tu n'économises pas pour aller au pèlerinage? Allahu musta'an. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsque tu égorges la bête, seul Allah sait la récompense que tu as. Ça prouve qu'elle est énorme. Et ensuite il a dit, et lorsque tu vas pour jeter les pierres, pour chaque pierre que tu jettes, Allah te pardonne un grand péché. Pour chaque pierre que tu jettes, et à la première tu jettes cette pierre, à la deuxième tu jettes cette pierre, et à la troisième tu jettes cette pierre et tu recommences cela. À chaque pierre que tu jettes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'informe et te dit que pour chaque pierre, Allah te pardonne un des grands péchés que tu as commis. Combien de personnes ont menti durant leur vie? Combien sont partis avec des femmes? Combien ont volé? Combien ont menti? Combien ont froncé leurs sourcils devant leurs parents? Combien ont désobéi à leurs parents? Combien ont manqué de respect aux personnes âgées? Combien ont été injustes envers leurs épouses? Voici une porte grande ouverte de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, par laquelle il acceptera notre repentir, le pèlerinage à la maison sacrée. Et ensuite, lorsque tu te rases les cheveux, pour chaque poil enlevé sur ta tête, Allah te pardonne un péché. Pour chaque poil, pour chaque cheveu que tu vas raser, Allah te pardonne un péché, jusqu'à la fin du hadith. Et il est bien plus long que cela. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous garde en bonne santé et qui nous enrichisse afin de pouvoir dépenser notre argent dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, toute cette dunya là et tout cet argent qu'on a pu amasser, si on ne l'utilise pas dans l'agrément d'Allah et si on ne l'utilise pas pour se rapprocher d'Allah, ce sera du temps perdu et ce sera un châtiment dur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on revient vers lui et qu'il nous a comblé de ses bienfaits et qu'on n'a pas utilisé ses bienfaits pour l'adorer. Wallah, sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala yusalli ala al-mab'uth rahmatan lil'alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة.